notre gars est venu troubler, venu changer ma vie. Wow, wow, un autre gars lui a raconté des mots d'amour depuis. Wow, wow, un autre gars a fait qu'elle rêve aussi chaque nuit de lui. Me voilà ce soir triste et seul devant la vie. Un autre gars a su lui parler se disant mon amour. Wow, wow, un autre gars m'a tout enlevé et je connais l'ennui. Wow, wow, un autre gars a su lui donner l'oubli. Pour moi c'est fini. Me voilà ce soir triste et seul devant la vie. Un autre gars un jour s'en viendra et la prendra pour lui. Wow, wow, un autre gars saura lui parler d'un autre amour ainsi. Wow, wow, un autre gars l'emmènera avec lui et seul lui qui m'a pris sera comme moi triste et seul devant la vie. Oh, oh, oh, oh, oh, oh.